Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 20. Du désespoir. Le désespoir est un péché, qui ne suppose pas toujours l'infidélité, sa gravité, ses causes. 1. Le désespoir est-il un péché? Ce qui porte les hommes à divers péchés est non seulement un péché, mais un principe de péché. Tel est le désespoir, dont saint Paul, parlant de certains hommes, a dit, « Le désespoir les a livrés à l'impudicité, à l'avarice et à toutes sortes de corruptions. » Éphésiens 4, 19. Si tout mouvement de l'âme conforme à une idée vraie est bon en lui-même, tout mouvement conforme à une idée fausse est mauvais en soi et constitue un péché. Or notre esprit est dans le vrai quand il pense que Dieu, auteur du salut des hommes, accorde le pardon aux pécheurs repentants, selon cette parole, « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. » Ézéchiel 18, 23. Notre esprit est, au contraire, dans le faux, quand il juge que Dieu refuse le pardon aux pécheurs pénitents ou qu'il n'attire pas les pécheurs par la grâce justifiante. De même que l'acte de l'espérance, conforme à un jugement vrai, est louable et vertueux, ainsi l'acte du désespoir, conforme à une idée fausse, est vicieux et coupable. Le désespoir est donc un péché. 2. Le désespoir peut-il exister sans l'infidélité? Le désespoir n'est pas toujours accompagné de l'infidélité. L'espérance est postérieure à la foi peut survivre à sa destruction. En ôtant ce qui suit, on n'ôte pas ce qui précède. Sans doute celui-là serait infidèle qui croirait que la miséricorde de Dieu n'est pas infinie. Mais un homme, en conservant sur la miséricorde divine et sur la rémission des péchés une croyance conforme à la foi, peut s'imaginer que, dans l'état où il est, il ne doit pas espérer en Dieu. Comme cette erreur particulière ne détruit pas absolument la foi, le désespoir peut exister sans l'infidélité. 3. Le désespoir est-il le plus grand des péchés? Les péchés opposés aux vertus théologales sont en eux-mêmes plus graves que les autres, parce qu'ils impliquent directement l'éloignement de Dieu. L'infidélité, le désespoir et la haine de Dieu, qui sont des péchés opposés aux vertus théologales, sont en conséquence plus graves que les autres péchés mortels. Toutefois, la haine de Dieu et l'infidélité sont en soi plus graves que le désespoir, car l'infidélité ne croit pas à la vérité divine, et la haine de Dieu met la volonté de l'homme en opposition avec la souveraine bonté, au lieu que le désespoir consiste seulement à ne plus attendre la participation à cette divine bonté. Ne pas croire à Dieu ou le haïr est assurément un plus grand péché que de ne pas espérer obtenir de lui la béatitude. À un autre point de vue, si l'on compare le désespoir à ces deux péchés par rapport à nous, il nous est plus funeste. L'espérance nous retire du mal et nous anime à la poursuite du bien. On voit ceux qui l'ont perdu s'abandonner bientôt à tous les vices et s'éloigner de toutes les bonnes œuvres. Faire un crime, nous dit saint Isidore, c'est la mort de l'âme. Désespérer, c'est descendre en enfer. 4. Le désespoir vient-il de la paresse? Le désespoir provient de deux causes, de la luxure et de la paresse. Lorsque quelqu'un ne goûte pas les biens spirituels comme des biens réels ou qu'il ne les estime pas d'un grand prix, d'où croyez-vous que provient en lui cette disposition? Elle est le résultat des jouissances corporelles, et notamment de la volupté. Du moment où l'homme s'attache aux plaisirs impurs, il prend à dégoût les biens spirituels. La paresse, De son côté, le conduit à ne pas croire qu'il lui soit possible d'obtenir les biens spirituels, ni par lui-même, ni par autrui, elle produit un excès de découragement, qui, s'emparant de sa volonté, lui persuade qu'il est désormais incapable de s'élever à aucun bien tant soit peu difficile à pratiquer ou à obtenir. Note. L'homme heureux sent grandir son espérance. Celui qui vit dans la tristesse tombe facilement dans le désespoir, selon cette parole de l'apôtre, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. 2 Corinthiens 11, 7. Tant qu'il ne sort pas de son état par un violent effort, il ne peut s'élever à des choses grandes et agréables. Abîmé dans sa douleur, il ne pense pas même aux bienfaits de Dieu. De là une grande tristesse qui déprime l'âme. Le dégoût vient à la suite. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.